enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzara, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzazz, zazzazzazz. Entre le tombeau de chez Pouchkine, on allait manger des petites bines, des fèves au lard. C'est loin déjà tout ça. Résister, c'est la grande affaire. Résister à l'insignifiance ambiante, c'est déjà quelque chose. Mais pour ne pas tomber dans le cynisme qui est la maladie des gens intelligents, il faut savoir résister à l'argent et au découragement. Extrait du livre « Il y a trop d'images. Un livre de M. Bernard Aymon chez Lux Éditeur. Entre 1993 et 2010, M. Aymon nous a proposé un recueil de ses réflexions des plus intéressantes. Hier, j'avais le Always Passablement Never. Et là, c'est pas pour entamer Love me never, love me through. Oh man, non, c'est pas du tout ça. Mais je me sentais, là, comme avec un always au bord du never. Puis là, les gens me disent mind. Je comprends absolument rien en anglais. Et j'essayais de décortiquer toute cette stratégie langagière anglo-saxonne. Et puis, j'ai rien compris. Comment tu peux comprendre quand tu saisis pas, quand t'as pas le... Comment s'appelle ça, Georgette, là? Le démodulateur. Le démodulateur, non, le... Le traducteur, il y a donc le traducteur. Quand on n'a pas le traducteur. Oh mon dieu, faut aller voir la traductrice. Nathalie. Mais aujourd'hui, c'est plus le genre humain qui traduit, c'est des machines. Puis lorsque les machines ne saisissent pas, ils disent n'importe quoi. Bref, ils ont pris ça sur l'être humain, ça, c'est, ben, hey, t'as-tu déjà entendu, hein, comment t'appelles ça, là, pour t'aider dans ton chemin? Un maître. Mais non, c'est une machine. Une maîtresse. Non, pourquoi tu dis une maîtresse? Ben, une machine, c'est féminin, donc un maître, une maîtresse. Non, un J21. Gmail, pas un Gmail, un Gmail, un Wayanda, c'est Simone, de Beauloir, si je cherche dans mon dictionnaire, moi je dirais c'est un GPS, aviez-vous ça vous dans votre temps? Ah, nous autres les GPS, on les a inventés, ben voyons donc, en 1920, le GPS c'était quoi? C'était la boussole, oh, c'est vrai ça, la boussole et puis la, comment tu l'appelles, donc celle qui est au sommet, à la cime, au zénith. Moi, je dis la girouette, oui, pour me faire réfléchir à ce mot girouette. Il y a une chanson qui s'appelle « Ma petite girouette, da, da, da, da, da, da, da, da, da, la, la, ma petite girouette. » Belle chanson de... Moi, j'aime bien ça, faire de la radio, mais je suis un peu des noms, mais je suis un peu... Où je suis, où suis-je? Thank you. Babylone noyée sous les flots de sunlight de Malibu, petite star inconnue. Tu n'as vu que l'étoile de la police. Je suis le chulge. Quand ai-je qu'asperge, cocourge? Délivrez-nous de tout mal. Donnez-moi du cervelège dans mon matière grise. Je suis comme un Anglais d'Ontario. Mais aucune connaissance. Je reviens à zéro. Énumérons ensemble quelques fruits. Pour s'amuser comme ça, là. Il y a la banane. Il y a la poire, il y a la pêche, le raisin, on n'aura pas de nom, là, des raisins, on en connaît, des raisins, des fruits, des raisins, y en a-tu des raisins dans notre société contemporaine, mesdames et messieurs? On y est entouré de raisins, mais pas juteux, là, pas des bons fruits qui nous amènent une certaine effervescence au niveau de l'abajou, parce que tellement qu'elle est remplie de ce nectar qui nous fait aimer ce fruit. Ah non, c'est des raisins secs. Ah, mon siècle, tellement sec. Tu les écoutes, les politiciens sont secs, là. Pas de bruit, pas d'intelligence là-dedans, c'est sec. Puis heureusement que t'as de la salive pour amener un peu de jus, parce que il me semble que c'est dur à mâcher, là. Nous vous promettons, oh mon dieu. Ouais, je donnerais-tu encore une autre raison? On dirait que si j'ai la bouche pleine de raisins, j'entendrais pas ce raisin-là me dire « Je vous promets, arrêtez de nous promettre, puis donnez-le! » Ben ouais, il y a la poire, la pêche, le raisin et le hasard dans les fruits. Ben voyons donc, toi, le hasard, c'est pas un fruit. Sinon, ça rentre dans quel... C'est un fruit rouge, un fruit vert, un fruit jaune, un fruit défendu. Ben non, le hasard, c'est le fruit. C'est le fruit du hasard. Oh mon Dieu Seigneur, c'est dur à digérer, moi, le fruit du hasard. Je vais demander à mon gynécologue. Ah oui, le gynécologue est au courant de ça. Ben, tous les gynécologues sont au courant de la gynécologie. Ah, ça, c'est vrai, là, mais en quoi le fruit gynéco? Ben, gynéco, on lui a demandé des fruits. Il connaît ça, lui, Adam Pétève. Oh oui, avant... Oui, le grand Adam Pétève. Mais non, c'est Adam et Pétève. C'est pas les deux ensemble. Quoi qu'ils se sont unis pour ne faire qu'un seul. Hein? C'est tout le préjugé de dire « Ah, un corps, deux corps qui s'assemblent, fait un corps. » Quelle connerie, hein? On est élevé dans la connerie pendant toute notre vie jusqu'à la fin de nos jours. À la fin de nos jours, là, on nous dit « Tu vois un tunnel? » Mais pas pour le moment. Là. Ben là, t'es pas encore prêt. T'es pas encore prêt à mourir. Ben là, écoute, on dirait que j'ai plus de souffle, là. On dirait là, que j'ai la lèvre du haut palote, là. Puis on dirait que j'ai des tremblements. Puis on dirait que j'ai froid. Ben oui, mais vois-tu le tunnel? Ben non, je vois pas de tunnel. Ben si tu vois pas de tunnel, t'es pas en train de mourir. C'est soit que tu vois un tunnel ou tu vois une main qui vient te chercher. Ben t'es-tu malade, toi, là? C'est toi qui vas mourir. T'es ensanglanté par des imaginaires que l'on t'a fait... rentrer à coup de télévisuel et à coup de cinématographie. T'es une éponge, ma belle Georgette. Ah, ben merci. Hein. Moi, je pensais, mais ça me faisait de la peine de te voir partir demain. Mais là, on sent que tu reprends de la poêle d'abeille. T'as du poêle d'abeille, toi, là. Ah, ben merci. Tu crois aussi? Ben, je crois. Tu vois-tu le tunnel? Ben non, on voit pas de tunnel. Tu meurs pas. Pas de tunnel, pas de mort. C'est écrit, vous verrez un long tunnel ou une main vous chercher, sinon la mort n'est pas le moment approprié. Have you heard about the new dance craze? Qu'est-ce qui est approprié? Ben, juste l'agonie. Tu vois, agoniser. Tu vois, agoniser, agonisette, agonisute. Agonisute, là, moi, c'est très froid. C'est au nord du nord. Connais-tu ça, toi, l'agonisute? Ben, non, là, tu vas me le raconter. Bon, OK. Il y a la baie de James, oui. Il y a le détroit de Defling. Ah, le détroit de Defling. Ah, mon Dieu. Ça, c'est beau, hein. Ah, bon. Il y a une crevasse, là, Defling. Il y a comme un petit ressort, puis il y a Defling. Alors, il y a le détroit de Defling. Tu peux t'y attarder. C'est tellement agréable. Il y a quelquefois de la forêt, mais c'est rarement une zone touffu. Non. Moi, depuis des années, hein, 90, on a dit on coupe tout ça. Puis, mais donc, tu peux t'y attendre. Et plus tu passes là, plus tu sens un courant d'eau descendre de ce string. Alors là, tu prends la rue du string, tu montes toujours le string, en haut du string, et là, tu te tiens au pôle nord, hein, puis c'est pas compliqué, il reste un ours au pôle nord. Ouais, mais est-ce que je pourrais m'absenter quelques secondes? Oui, hein, on va s'enlever une épaisseur, je sais qu'à la radio, ça paraît pas, mais j'ai mis une petite laine qui me donne une chaleur au niveau de la omoplate, puis excusez-moi, ça risque de faire une émission pas très réussie, hein. Alors, on va enlever ça, puis peut-être à la fin de l'émission, nous serons dans le D-string. Ah, oh, mon, tu portes un D-string, toi? Non. Ah, non, moi, ça me nettoierait le derrière de la... Ah, non, faudrait pas le dé... Ah, c'est... Georgette, oui. Ah, moi, je vais mettre des strings. Ah, merde, j'ai essayé ça, moi, là, en 92, là. Puis c'est resté pris jusqu'en 97. Hé, monsieur, là, j'essayais de me laver puis de m'enlever le D-string, ça voulait pas le D-stringer dans le... était coincé dans la... Hey, c'est inconfortable, le D-string. Ah ben là, ça c'est une religion, hein. Tu l'es ou tu l'es pas. Ben moi, je me suis pas senti dans le mouvement, hein. C'est surtout c'est l'élastique du nord qui te remonte dans le sud, pis t'as comme la voix dans l'aigu. Les gens qui ont la voix aiguë, c'est à cause qu'ils ont des strings coincés entre le nord et le sud. Et monsieur. Là, plus t'essayes de décoincer ça, puis moins ça veut décoincer, là. Même le lavage, là, prends pas de couteau, prends pas de ciseaux. T'attends que ça use. Eh, monsieur, tu te montes, tu descends, tu frottes, tu descends, tu frottes. À un moment donné, le D-string va se défaire, pow, dans l'arrière de la tête, tout le jus du D-string. Ah, c'est, ouais. Alors donc, c'est ça, mais dans les fruits, il y a aussi le fruit du hasard. Le saviez-vous? Non? Bon. Alors, le hasard se veut, bien sûr, un fruit avec de nombreux pépins. Parce que pour les gens qui croient au hasard, ce sont des méchants moineaux. Ah non, des méchants zoros. Non, des méchants cocos. Des méchants cocos. Le coco est un fruit également, donc ils font partie des cocos. Et ne disons-nous pas le fruit du hasard. Ben oui, on l'a dit ça. Ben pourquoi tu l'as écrit après? Ben je pensais que j'allais oublier de le mentionner. Des fois, je suis dans des conditions vaporeuses, des plus insignifiantes, et j'oublie de dire l'essentiel. Et comme disait Ginette Barbeau, l'essentiel... L'essentiel, c'est quoi l'essentiel, non? C'est d'être aimé, amen. Monsieur le Président, monsieur les potrocatés, c'est une belle imitation de Mme Breneau. Ah, ben, elle n'a pas parti, elle, la Breneau numéro 5, là, elle restait coincée dans le 12. Je suis sûr que le D-string était comme pris. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas le monter. Là. Ah, ben, tout est une question de Renault. Ah, vas-y, ma belle Ginette. Monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, il faut être fou pour être résident et résidente, hein, bon. On réside toujours, c'est souvent sur la même sphère que l'on appelle la Terre, hein. Sauf petit Baudouin, ben moi j'ai jamais voulu m'abandonner à ça parce que c'est trop facile. Ouais, toi la facilité, ah c'est pas dans mon plat. Puis tu sais que mon assiette est vide. Ah bon, ah, depuis quelque temps mon petit numéro 1, faudrait que je te raconte. Ben, allez-y, on a le temps. Bah, j'ai rencontré ma petite Monique. Oh la petite Monique. Ah c'est. J'avais demandé la semaine dernière, oui, c'est Monique. Peux-tu me rendre heureux? Puis là, la Monique, elle dit, ben oui, hein, d'une insignifiance, là. Monique, écoute-moi, Monique, dans la vie, il y a deux choses, hein. Il y a l'amour et il y a l'amitié. Ben, il me semble qu'il y a plus de choses. Elle aime bien extrapoler, tu sais, comment ils sont, ces gens-là, hein. C'est des individus tout à fait extravagants. Là, elle m'a dit, ben, peut-être qu'il y a d'autres attributs que tu peux relier à cette signification que tu veux résumer en deux mots, peut-être un peu bête. Elle me traite de bête, moi, là. Est-ce que j'ai l'air d'une bête, moi, là? Ben, t'es poilu, oui. T'as des crocs, oui. T'as la rage, oui. Puis tu veux mordre. Ah, ben, mordre. Tu sais, je suis une bête, moi, là. Ça fait que, là, moi, je suis prêt avec ça, cette affaire-là. Puis, avant tout, je me suis dit, est-ce que je peux la retourner? Pas la retourner dans le sens de, mais la retourner au, tu sais, la piètre demoiselle, va-t'en où tu étais, et je serai fortaise. Là, elle m'a dit, va te balader maintenant. Ah, c'est... Au début, elle m'aimait parce que j'avais la main baladeuse, puis aujourd'hui, elle m'aime plus parce que je veux moi-même aller balader vers d'autres Champs-Élysées. Ah, c'est... Monsieur les voluptés, madame les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, il y a un reste de volupté, toi? Ah, bon, ma vie est une volupté. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Avec moi-même à l'errance rénaldienne. Saviez-vous que vous étiez à errance rénaldienne? Oui, monsieur. Errance rénaldienne est une émission radiophonique, stéréophonique, Dolby Surround Digital HD. HD. Ah oui, c'est une radio HD. Ben voyons donc, oui. On n'a pas ça. On n'a pas. Georgette, as-tu acheté la radio HD? Ben oui, tu m'as dit, ajoute un transistor. Ben, le milieu du transistor, hein? On capte pas ça, c'est QRL avec un transistor. Ben, c'est QRL, tu prends n'importe comment. Voyons donc, le premier bouton à gauche, là, c'est celle-là. C'est celui-là, c'est notre porte de salut. C'est l'ouverture vers le conscient et l'inconscient collectif. C'est le peuple qui nous parle. Eh, monsieur, le peuple qui nous parle. Ah, mon doux, le peuple qui nous parle. Ah, je vous salue. Le peuple qui nous parle. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré? Librement. Est-ce qu'arrête-moi ça, cette musique-là, on n'est pas rendu à cette étape-ci, à cette étape-là. OK. À quoi bon faire de les... on précipite les choses. Ah! Est un obstacle, je fuis comme une mille pattes, j'y retourne à quatre pattes. Moi j'adore le rififi, mais je me sens tout rikiki. Et je prends le maquis, mais seulement juste un jour ou deux. Et je bois du whisky pour être plus courageux. Avec ou sans toi, c'est déjà mieux. Avec ou sans toi, c'est déjà mieux. Je pourrais pas être plus heureux. Qu'arriverait-il ensuite? Je reste pour d'autres épisodes dans ton orbite. je me fixe aux antipodes, je me referme comme une huître que ne mange à personne. J'ai la tête qui résonne comme dans un aquarium, toxique comme l'uranium, pas sain pour ni femme ni homme. Avec ou sans toi, c'est déjà mieux. Avec ou sans toi, c'est déjà mieux. Je pourrais pas être plus heureux. J'en perds mon amour propre, je te veux et je m'en veux, maudit, t'es adorable. Avec ou sans toi, c'est déjà mieux. Avec ou sans toi, c'est déjà mieux. Je pourrais pas être plus heureux. On frappe un fiasco. Tu sais, c'est comme en automobile. L'automobile est mobile. Alors là, quand tu vois le mur là, de presque de briques, et tu roules à 150 km/h et tu peux pas freiner, tu arrives dans quoi? Mais dans un mur de briques. Ben oui. Un mur de briques, et que fais-tu? Quoi? Ben qu'est-ce que je fais? Que fais-tu lorsque tu arrives devant le mur de briques? Aïe aïe! Effectivement. À quoi bon faire cette émission? Mieux vaut faire aïe aïe avant qu'après, parce qu'après, ça fait... Ouais, c'est... Est-ce que tu peux le refaire? Oh, c'est parce que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, j'ai le volant dans la bouche, OK? J'ai les pédales dans les omoplates et j'ai ma copine entre les mains. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bref, tout nous arrache en même temps lorsqu'il y a du travail qui se fait ailleurs que devant le volant et le véhicule dans lequel on conduit pour nous amener directement à l'hôpital. Thank you. J'ai toujours la frénésie au bout du goulot. La phrase de Charles Bukowski, le titre, c'est « Le grand poète ». Vous êtes à CKRL, le 89.1, à Québec. À Québec. We'll be right back. Oui, avec quel album? En fait, je suis arrivé sur Brûle. Ok, oui. Sur l'album Brûle. Et là, on a fait pas mal de concerts ensemble, qui étaient bien. Après, on a travaillé ensemble sur 1964. Mmh. Et 1964, bah, le studio. Voilà, j'ai co-signé des chansons sur cet album. J'en ai co-signé. La mélodie. Les musiques. Qu'est-ce qui signe les musiques? J'ai co-signé 6 chansons sur cet album. Et puis après, bah, voilà, on a travaillé. Puis après, bah, il y a eu l'épisode Bachung. Mais Alain Bachung, ça a été quand même pour plusieurs une révélation. Parce que Alain Bachung laissait une place aux musiciens énorme. Oui, effectivement. Ah ben, il y a eu un avant et un après Bachung. Ok, vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai travaillé avec Alain, si tu veux, avant de travailler avec Alain, si j'avais cette liberté que j'avais dans les musiques orientales, donc c'est pour ça aussi que j'avais fait toutes ces musiques-là. Mais comment Alain Bachung t'a recruté? Par audition. Oh oui. Oui, alors à quelle question tu veux que je te réponde? Parce que non, d'abord, ok, vas-y, excuse. Okay. Voilà. Parce que donc le truc de Bachung, ça a été j'ai retrouvé la liberté que j'avais eue dans le rail, c'est-à-dire de pouvoir transcender les choses, de pouvoir. Une grande liberté. Mais je me rappelle plus quelle était ta question du coup. Non, mais comment Alain Bachung a pu te recruter? Eh bien, il a fait des auditions. En fait, il y avait des auditions à Paris qui ont duré 2 mois. Oui, non, mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais explique-moi comment... Bah, je t'explique, parce que c'est Alain Bachung, il y a lui qui pouvait se permettre ça. Mais pourquoi tu dis que c'est juste Alain Bachung qui peut se permettre ce genre de choses? Parce qu'il avait une idée en tête très précise de ce qu'il voulait. Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Claxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone me sonne. Je sais que c'est Mona Lisa Claxon. Allô, ça va? Oui, ça va très bien, toi? Oh, Mona Lisa Claxon. Oh, oui. Comme ça. Oh, peut-être. Mona Lisa Claxon. Oh, oui. Et toi? Moi, ça va très bien. Oh, Mona Lisa Claxon, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone! Oh! Oh! Oh! Mona Lisa Claxon! Oh, Mona Lisa Claxon! Oh, Mona Lisa Claxon! Vas-y, mon chat! Les soirs où Mona Lisa Claxon a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Oh, le léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines. Les chines, la chine. De la jungle en démence monte cette incantation divine. Divine Mona Lisa Claxon. Claxon, Claxon. Joue du trombone, Mona Lisa Claxon. Claxon, Charles Claxon. Sors ton trombone, oh Mona Lisa Claxon. Claxon, Claxon, Claxon. Trombone, oh Mona Lisa Claxon. Claxon, Claxon. Je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh, oh Mona Lisa Claxon. Claxon, oh Mona Lisa Claxon. Derrière elle surgit le célèbre King Kong. Oh oui. Il a la bave aux lèvres et la banane comme un canon. Oui, la banane. Dans les yeux fous du monstre basse une étrange lueur. Oui, on voit cela. Bananée. Esclave de la danse, Mona ne l'a pas senti venir. Il va pour se le saisir. Oh, Mona Lisa Claxon. Mona Lisa Claxon. Ton trombone. Oh, Mona Lisa Claxon. Mona Lisa Claxon. Claxon, Claxon. Trombone. Oh Mona Lisa Claxon. Et moi qui reste là, pendu au téléphone. Claxon, y a toujours personne qui répond. Ne coupez pas. Coupez pas. Claxon. Ne coupez pas. Claxon, y a jamais. Oh, ne coupez pas. Personne qui y répond. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, et monsieur, hein? On dirait que t'as l'épuisement de la babouche. Ah, j'ai la babouche pas mal babiche. Oui, t'as la babouche pas mal babiche. Ah, bah, ça y est. T'as-tu remarqué ça? Ah, oui, t'as comme la phalange qui descend en bas de l'oreillette. Comment ça, tu décris ça comme ça? Là, Madame Tremblay va se faire un imaginaire des plus extravagants de pas grand-chose qui se passe sur ma mâchoire, toi, là. Mais non, mais vous êtes... Entre vous et moi. Oui. Entre moi et vous. Oui. Vous avez la mâchoire un peu molle. Oui, ben c'est normal parce que j'ai la frénésie au bout du goulot. C'est ça que ça veut dire? Ben oui, c'est pour ça que j'ai la mâchoire un peu basse. Comment ça? Pour atteindre l'inaccessible goulot. Goulot. Ben, le goulot, tu sais, dans la vie, il faut du goulot pour vivre, pour faire vivre nos enfants, nos petits-enfants, nos femmes, nos maîtresses, nos petites maîtresses, nos jeunes maîtresses, nos très, très jeunes maîtresses. Alors, il faut du goulot. Ah, ben oui, ben, pas de goulot. Pas d'extravagance! Hey, t'as entièrement raison, toi, là. Moi, hey, j'ai commencé à avoir du goulot à 12 ans, moi. Ah, oh, et puis, ben, à 14 ans, j'avais encore beaucoup plus de goulot. Puis après ça, à 17 ans, oh, j'avais du goulot. À 20 ans, ah, oh, bon, j'appelle même bien. À 20 ans, là, c'était open goulot. Open goulot! Tous les goulots étaient à moi. Oh, comment tu dis open? Ouvert à moi, tous les goulots. Oh! Ça me fait penser à une phrase, ça, là. Laquelle? Non, c'est pas une chanson, c'est... non, c'était quoi? Tous les goulots. Oh, mon Dieu, tous les goulots du monde. Tous les goulots du monde à ses petites frais. Ah, puis là, après ça, là, à 40 ans, là... Ben, je suis pas encore là. Comment ça? Ben, j'ai pas 40 ans. T'as pas 40 ans? J'ai pas 40 ans. Monsieur, on va te croire. On va te croire parce que t'as le goulot fragile. Ah, moi, regarde. J'ai le goulot qui lève. Tu me vois-tu? Regarde-moi ça. Ouais, tu devrais le fermer le goulot. Ah, ouais. Mais je manque pas de goulot. Mais tant mieux. Cette semaine, et je suis super. On peut-tu monter? Oui, monte. Monter. C'est ça. Cette semaine, on va-tu le dire? Là, aussi, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est cette semaine. Et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « boussole ». Eh, monsieur, boussole. Boussole. Arrête donc, toi, tu sens la boussole. Tu trouves que je... Oui, ben, t'as la boussole un peu proche de moi. Et puis? Ça me tournoie en arrière de la tête. Ça te tournoie en arrière de la tête? Oui, j'ai une tête. Je suis pas certain, moi. T'as une tête? J'ai une tête. Une tête fromagée? Une tête de cochon. Oh, my... Ah, c'est ça, là, c'est vrai, t'as une tête de cochon. Une vraie grosse tête de cochon. On va te mettre l'orange qui s'attribuera entre tes deux mâchoires parce que t'as une tête de... Une tête qui te revient pas? Ah, la tête me reviendra jamais. Je sais pas pourquoi. Moi, plus je te vois, plus je reviens pas. Ah, de quoi? Ben, de ton existence parmi nous. Ah, oh, non, moi, je me fais pas traîner par des chats. Comment ça? Je me fais pas traîner par des chats. Comment ça, par des chats? Ben oui, parmi nous. Rouin, minou. Rouin. Ah, mon, par des chats, minou. Il est coincé. Parmi nous. En parlant de Minou. Oui. Madame Minou. Madame Minou. Ah, oh, mon Dieu. Elle a un beau Minou, Madame Minou. Elle a un Minou incroyable. Mais c'est pas ça, c'est que... Imaginez-vous. Plus que ça, là. Concentrez-vous. Non, j'ai pas dit d'aller... Non, concentrez-vous. Non, concentrez-vous, là. C'est silencieux, dans la tête. Fermez les yeux. Ouvrez l'imaginaire. Ah, mon Dieu. Est-ce que c'est assez ouvert? L'imaginaire. Non, ouvre le plus gros. Oh, est-ce que c'est assez ouvert? Quoi? L'imaginaire. Plus gros. Est-ce que c'est assez ouvert? Quoi? L'imaginaire. Oui, c'est assez ouvert, OK? OK. Là, relâche pas. OK. Je vais te rentrer une improvisation. Dans l'imaginaire. Ah, ça va faire mal. Non, mais reste comme ça. OK. Alors donc, imagine-toi la boussole, OK? Elle est tellement rigolote, la boussole, qu'elle perd le nord. Et puis là, à un moment donné, le pianiste aveugle reste encore là. Oui. Le pianiste aveugle, qui veut jouer sa partition ou en faculté affaiblie au niveau oculaire. Ben là, c'est la même affaire, mon Giorgio, mon Giorgio, c'est un aveugle. Non, on peut pas, non, on est en 2011. 2011, oui, on est en 2011, on peut pas dire aveugle. On peut pas dire aveugle, non. On peut dire des facultés oculaires un peu plus faibles que la normale. Ben là, il voit rien. Il voit rien. C'est un ivoirien, un ivoirien. Non, c'est ivoirien, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Ben alors donc, c'est un être qui ne voit pas. OK. Et donc, qui joue du piano. Oh, comme Gershwin. Oui. Comme Patti LaBelle. Qui? Patti LaBelle. Elle joue de la guitare, elle. Ah, oh, mais en tout cas, Patti LaBelle. Patti LaBelle. Oh, mon Dieu. Patti LaBelle, il joue du marteau, lui. L'as-tu déjà entendu un spectacle de marteau, lui? Ah, ben, il en cogne des clous, lui. Il s'endort. Pong, pong. Il cogne des clous, puis il cogne des clous, il cogne des clous. Après ça, là, quand il cogne plus de clous, on lui balance des pilules pour s'endormir. Il cogne des clous. J'ai un spectacle de 2h30 à cogner des clous de même. Là, c'est silencieux, mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas lui qu'il s'agit. C'est d'un pianiste. Disons Ray Charles. Oh, c'est pas la même chose. Hein. Ray Charles Reynald, non? Non, c'est pas le même district. OK. C'est vrai que Ray Charles est anglophone et Reynald Gagné est francophone. Alors Ray Charles, l'anglophone, joue du piano. Mais là, il doit jouer une partition qu'il connaît pas. Alors c'est écrit sur du braille. Tu parles trop vite, on comprend pas. OK. Ray Charles? Piano, partition, doit jouer une nouvelle partition, ne connaît pas le jeu pianistique. Donc, il doit lire sur quoi? Sur une partition. Sur une partition en braille, OK? Oui. Alors, t'es-tu encore? Oui, c'est bon! OK, reste l'imaginaire. OK! Au maximum. Et puis là, alors donc, il doit se souvenir. Alors, il doit lire la partition en braille et jouer du piano par la suite. Et lorsqu'il n'a plus de mémoire, hein, s'il n'a plus de mémoire, c'est pas lorsque... Ah, bon, tu l'as loupé! Non, je l'ai pas loupé. Je l'ai pas loupé. Moi, je loupe absolument rien. Moi, là, j'ai la loupe. Même Ray Charles, avec la loupe, il ne voit pas. Alors, il ne peut pas louper. Donc, il lit sa partition au braille. Il joue du piano. Mais s'il n'a pas de mémoire, notre Ray Charles national, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il n'a pas de mémoire et qu'il a lu sa partition de braille? Ben, il braille. Ben, c'est ça, il braille. OK, ferme ton imaginaire. Si tu me laisses un message, c'est que je suis dans les nuages. Nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, la la la. Loin des foules et du grabuge, de la force au centrifuge. Je suis loin mais ce n'est pas si loin, la la la. Si tu me laisses un message, je le lirai dans les nuages. Nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, la la la. Parmi les anges et les mages, je distinguerai ton visage. Tu es loin, mais ce n'est pas si loin, la la la. Si tu me laisses un message, c'est que je suis dans les nuages. Nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, la la la. Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, s'est posé sur ton dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. Les tourneaux qui perdit l'amour heureux l'a retrouvé au fond de mes yeux. Padadam, padadam, padadam, padadam, padadam. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Si j'ai perdu mes soucis en chemin, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux. La perdrie qui perdit l'amour heureux l'a retrouvée au fond de tes yeux. Padadam. Si tu as effacé l'air du refrain, si j'ai oublié le lendemain, si j'ai mélangé mais et juin, si tu as oublié de demander maman. L'étourderie des amoureux partis fait tourner la tête des tourtereaux qui est perdu, perdir l'amour heureux pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux. Ah, la chanteuse, celle qui fait vibrer les mots, qui nous fait danser, rire et réfléchir. La chanteuse, l'auteur, compositeur, interprète, elle reprend aussi des grands standards de la chanson, du zouk. Mais pas juste ça. Mais pas juste ça, c'est pas un style, c'est pas non plus. Non, non, non. Voici la grande, la croyante, la chrétienne, Lydia Laurence, à toi l'artiste. J'entends cette parole-là, ah, de toi. J'entends tout ce refrain, un de toi. Tu l'as pas vu? Ben, peut-être que là, ça fait longtemps que je suis là. Oh oui, mais ça fait une demi-heure. Ah, plus que ça! Ah, plus que ça! Oh, désolé. Au plaisir! Yes, it's pleasure. Au revoir. Bonne journée. Okay, bonne journée. Merci. Bonne soirée. Bonne journée. j'ai rencontré des gens formidables. Ah, c'est des amis? Non, ils sont de là. Ils étaient au restaurant. Okay. On a sympathisé. Ah, vous avez parlé, puis vous êtes rendus des amis. Eh bien, ils m'ont payé mon resto. Mais voyons. Comment tu vas, ça mon va bien, ami? Toi? Ils t'ont payé le resto? Oui. J'ai dit non, je paye. Il me dit non, non, vous êtes une belle personne. Et c'est des Parisiens? Oui, ils habitent là à Montmartre. Mais voyons. Incroyable. Et voilà. Et ah. je suis rentrée là, tu étais avec un monsieur. Oui, ouais, Paul Pechenard, mais je suis très concentrée quand je parle à quelqu'un. Donc, mais les gens autour. J'ai mis mes lunettes exprès pour que tu ne me vois pas. Ah! J'ai dit comme je ça, je ne le dérange pas. Non, non, mais je ne regarde jamais personne. Je suis concentrée devant. Ouais. C'était qui, okay, le monsieur? Pardon? C'était qui, le monsieur qui était avec C'est Paul Pechenard, auteur, compositeur, interprète. Anciennement du groupe des Dogs, un groupe rock français. Ah, les Dogs! Oui, oui, voilà, oui, c'est oui. ça. Voilà, okay, c'est lui. Okay. Ça, c'est il y a 45 ans. Là. Hein? Ben oui, ben oui. Il a travaillé 4 années avec le groupe. Le groupe s'est dissous il y a à peu près 35 ans. Oui, oui, oui. Et toi, tu es arrivé aujourd'hui? Moi, je suis arrivé là, là. Je suis arrivé. Oui, t'es pas fatigué. Mais c'est Paul qui m'a ramené ici. Qui? C'est Paul, le monsieur que tu as rencontré, qui m'a okay, ramené ici. OK. Depuis un an et demi, il vient me chercher à l'aéroport. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est et bien. Et t'es pas fatigué? Oui, mais c'est pas grave. Ouais, tu dormiras ce soir? Ben, ouais, très tard parce que j'ai 4 autres rencontres. Oui, après, tu m'as dit. Ben, oui, oui. Wow. Et toi, comment ça va? Très bien. Excellent. Ouais, et puis j'ai mon dernier qui est sorti. Oui. Qui s'appelle Après toi, et puis ça marche très bien, je suis contente. OK. Demain, je chante au parc de Vincennes. Oui, mais l'année dernière aussi. Non, parce qu'il y avait le COVID et tout. Non, mais on s'avait déjà vu il y a 3 ans où tu chantais là. Oui. Oui. Oui. Et la veille. Oui, parce que Facebook, passé. Ils ont remontré. Oui. Et la veille, tu venais ici et le lendemain, comme cette année. Tu te rends compte? Ben oui, c'est fou, hein? C'est cyclique, c'est cyclique. Et comment il s'appelle? Tu le vois plus? Comment il s'appelle? Un monsieur, on connaissait ensemble. J'en connais plein, hein? Un monsieur jeune, âgé? Non, pas jeune, jeune. Il avait les cheveux un peu longs. Ouf. Que j'ai rencontré avant toi ou après toi? Avant moi. Faudrait que je fasse une recherche. Non, tu vas pas. Si, puis toi, tu le connais? C'est lui qui a fait que je t'ai connu. Ah oui, OK. Ah, c'est bien. C'est comment bien. Il s'appelle? Moi, je le vois plus sur les réseaux. Ah oui, je sais. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, il m'a invité à manger au Sancerre, c'est Audran, Aubryan? Oui, Aubryan, un truc comme oui, ça. Aubryan, oui, Aubryan, oui, oui, oui, oui. Il connaissait très bien. Oui, oui, oui ben c'est oui. ça. Ben oui. Au revoir, madame. Au plaisir. et puis toi... Et tu le vois plus? Parce qu'il ne reste pas à Paris, lui. Ah oui, c'est voilà, vrai. C'est ça. C'est ça. Et toi, depuis le temps qu'on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Oui. J'ai sorti un livre. OK, oui. Le livre, il est sorti. Après ça... Qu'est-ce que tu voulais... pourquoi tu as voulu écrire un livre? J'ai écrit mon histoire, ma biographie. 250 pages. OK. Très bien vendu. Très, très... Jusqu'à maintenant, il se vend bien. Et mais puis, pourquoi tu as voulu écrire un livre sur ta vie? Pour montrer aux personnes que on a tous une vie qui est tracée. Mais il faut prendre tout ce qui est bon et puis avancer dans la vie. Et puis si moi aujourd'hui, si j'ai écrit ce livre, c'était pour montrer à toute une jeune génération, malgré leur vécu, malgré les choses qui peuvent être difficiles, mais ils peuvent arriver. Si moi je suis arrivée, eux aussi ils peuvent le faire. Mais peux-tu nous parler un peu, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on s'est rencontrés. Toi, ta vie n'a pas été facile. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que j'ai eu beaucoup de hauts et des bas dans la musique et dans la vie. Mais après, quand tu retrouves ton repère, ah ben, tu peux que dire merci Seigneur, merci Dieu, merci pour tout, merci aux gens qui t'ont toujours encouragé, qui t'ont entouré des bonnes personnes. Oui. Ouais. Mais toi, tu t'es adonné à faire de la musique. Pourquoi? Parce que ta mère, ton père en écoutaient ou en jouaient? Moi, je sors d'une famille musicienne. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, ça influence les enfants. Et puis, t'es né... Mais t'es pas né à Paris, là. Non, dans les Antilles. Exactement. Les Caraïbes. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, la musicalité est là. On a grandi dans ça. La musique 24 heures sur 24. Mais toi, tu es plus concentrée sur le souk, c'est ça, hein? Non, pas spécialement. Je fais du souk, mais après, j'ai fait quelques reprises de belles chansons, comme Céline Dion, I'm Alive, comme Isabelle Boulay, Parle-moi, de Canada. Patricia Cass, Il me dit que je suis belle. Et puis, j'ai fait quelques duos avec un chanteur haïtien. J'ai fait avec un chanteur aussi guadeloupéen, Christian Nara, et puis voilà. Mais je ne fais pas que du zouk, non. Et puis après, avec Myriam, une fille européenne, on a fait une reprise, enfin plusieurs reprises. On a fait un single de 6 titres. On a fait les années 80. OK. Théo, un hommage aux années 80. Oui, exact. Des belles chansons des années 80. On a sorti un album et magnifique, magnifique. Mais en même temps, la nostalgie, ça nous amène à... Parce que la musique que l'on connaît nous réconforte. Tout à fait. Les années 80, c'est réconfortant. Ah oui, c'était les plus belles chansons. Et puis comme Michel Berger, on a repris Michel Berger. On a fait Ottawan, j'ai fait la chanson de Tracy Chapman. Et puis on a fait des très, très belles reprises. Mais toi, la musique, c'est ta vie. C'est vraiment, tu ne peux pas vivre autrement que sans musique. Non, non. Puis c'est les rencontres aussi qui fait que tu es rendue aujourd'hui très active. Et, ah, mais j'aime ça, j'aime ça. Hein, hein. Mais au départ, qui t'a encouragé à poursuivre en chanson? Est-ce que c'est tes parents? J'ai grandi dans l'église aussi. Je faisais beaucoup de gospel. Ouais. Alors, à force de faire... Et puis après, quand j'étais gamine, je regardais beaucoup Tina Turner, Aretha Franklin, et puis... Le soul. Ouais, et il y avait aussi... comment elle s'appelle cette américaine blonde? Memories, elle chantait Memories. Ah oui, oui, attends un peu. Barbara Streisand. Barbara Streisand, oh ouais. My God, ouais, ouais. Ouais. Et bon, même j'avais 18 ans, j'écoutais que Barbara Streisand. Tout le long dans la boutique, c'était en rotation. Parce que dans la boutique, tu travaillais... En bijouterie. Ouais, ben oui. En bijouterie. Ah oui. Et j'écoutais Barbara Streisand tout le temps, tout le long de la journée, et je mettais en boucle. Alors c'est là que ça a commencé à se préparer. À mijoter. À 9 ans, j'étais déjà dans la chorale et tout. Je disais, ouais, je chanterais. Ouais. Mais quand tu as 9 ans, tu es encore un enfant, tu ne t'en rends pas aussi compte. Ouais. Mais c'est quand j'ai eu 17 ans, oui, j'ai chanté avec un groupe de Saint-Martin, les Ramones et les Femmes Libras. J'ai la photo où je suis sur scène. J'avais 17 ans. C'est là le déclic. Le feu sacré. Et ouais. C'est là que je me suis dit, mais c'est ce que je vais faire. C'est ce que je veux être. Voilà. Et tu poursuis ça depuis tes 17 ans? Depuis mes 17 ans. Cela ne va pas si c'est qu'on a baba. avec les années, est-ce que tu as eu des influences musicales? Sans doute que oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai eu aussi, après, il y avait toutes ces belles chansons françaises. Aznavour, tout ça. Aznavour, on écoutait Aznavour, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Denis Roussos, Julio Iglesias, ah ouais, ouais, oh là ouais, là, ouais, ouais, ouais, ouais. 24 sur 24, et puis quand c'était dès que vendredi arrivait, vendredi, samedi, c'était la musique à fond la caisse dans la maison. Ah oui, oui, c'était festif. Festif, tout le temps. Je nettoyais en chantant. Et c'est à un moment donné où tu t'es dit, là, je veux en faire ma vie, je veux vivre sur scène, je veux poursuivre. Là, professionnellement. Là, quand j'ai vraiment décidé, c'est quand il y avait Kassav. Oui. Quand oui. Kassav est arrivé. Oui, le groupe Kassav. Hein. Ouais, dans les années 80, quand Kassav est arrivé, tu vois toutes ces filles sur scène. Il y avait les Zouk Machines, oui. Il y avait Tania Saint-Val, Joël Ursule qui a chanté avec Gainsbourg, c'est White vrai. And Black. Oui. Il y avait Compagnie Créole. Il y avait un couple, Annick et Jean-Claude, de Martinique. Quand tu vois tout, après, ça me donnait tellement envie d'aller chanter sur scène avec eux et tout. Après, j'ai dit, allez, c'est pour moi, je me lance. Et puis voilà. Mais tous ces gens-là m'ont donné envie dans le milieu caribéen. OK. Voilà. Donc, c'est tes racines qui t'ont amené à poursuivre. C'est... Exactement. Et tu restes toujours avec cette encre-là de ton pays. De ah ta... oui, oui, oui, parce que je suis caribéenne, mais cela n'empêche pas de faire un peu plus dans la variété française, parce que je suis en France et j'ai beaucoup de fanatiques européens et c'est eux qui me suivent énormément. Alors, ce qui fait que je chante pour ma communauté et je chante pour les Européens en France. Comme tu as écrit un livre, est-ce que tu as le goût d'écrire tes propres chansons? Est-ce que tu veux mettre l'eau au moulin? Oui, j'écris beaucoup. J'ai 80% de mes albums, je les ai écrits. Paroles et musique? Pas musique, mais les paroles, les mélodies. OK. Et est-ce que c'est de plus en plus difficile d'écrire des choses nouvelles sans se... s'appuyer dans ce qu'on avait déjà écrit avant? Est-ce que tu essaies d'être fraîche après autant de chansons, de te ressourcer et de te surprendre? Je pense qu'aujourd'hui, en prenant l'âge, tu te rends compte que la vie change, le monde change. C'est plus comme avant. Alors, avant, j'aurais plus tendance à écrire beaucoup d'amour. Aujourd'hui, moins. Parce que je vais parler des actualités, parce que c'est vrai que... Et puis musicalement, avec les réseaux, tout a changé. Et puis ouais. C'est une jeune génération. Ouais. Alors il faut donner des choses qui vont rester dans l'oreille de la jeune génération. Et puis même si on prend de l'âge, on a quand même envie d'attirer un jeune public. Ouais. Et c'est ça, il faut rester là-dessus et essayer de capter leur attention. Alors, tu écris surtout pour la génération plus jeune? Les deux, je peux faire les deux. Mais, comme je dis, c'est la génération qui te suit. Oui, oui. C'est ça. Est-ce que tu sens que depuis des années, il y a un public, il y a des gens qui te suivent et qui te sont fidèles? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai des gens très, très fidèles. Et c'est ça qui te plaît, parce que tu... Ouais. Et tu ne veux pas les décevoir non plus. Pas du tout. Et c'est ça qui te donne envie de continuer. Oui. C'est ça. Lorsque tu écris, est-ce que tu as déjà des choses de planifier ou si tu ne sais vraiment pas où tu t'en vas? C'est spontané, ça vient naturellement. Voilà, des fois, je peux aller, par exemple, là, je rencontre des gens formidables. Oui, ben oui. Ça peut venir que je vais entrer dans ma chambre d'hôtel et je vais dire « Ah! » Et puis après, ça part comme ça. OK. Alors, il faut le prendre quand c'est là. Quand c'est là, il faut le prendre. Parce que c'est très instantané. Par exemple, là, on est sur le boulevard de Montmartre. Quel avenir! Nanana. Ça part comme ça. Ah oui, oui, OK. Voilà. Alors, tu laisses les mots t'envahir. Je laisse les mots travailler. Et puis, je peux rester 10 jours sur une chanson. comme je peux rester 10 mois sur une chanson. Alors, tu es plus vers le magnéto que sur le papier? Je suis plus sur le papier. Ah, tu es plus sur le papier? Plus okay. sur le papier. OK. Voilà. Okay. Alors, tu reviens souvent sur ce que tu as écrit? Oui. Tu ratures? Voilà. Voilà. Par exemple, un texte, je peux le faire en 150 000 fois. Tant que je n'ai pas trouvé exactement... Ah oui, le mot exact, oui. Exactement. C'est vrai, parce que ça ne sonne pas comme tu voulais, c'est pas... Exact, et puis des fois la mélodie ne correspond pas, il faut changer de mélodie. Puis tu ne veux pas faire de la redite non plus, refaire ce que toi tu as déjà écrit, c'est exactement, ça qui est compliqué. Exactement, exactement. Et ce qui est dur, c'est que quand tu as une mélodie déjà dans la tête, c'est hein? dur de chercher une autre mélodie. C'est vrai, elle t'accroche. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que ça devient pour les autres... aussi, aussi intéressant parce que c'est quelque chose qui est accrocheur. Qui, oui, c'est ça. C'est une ritournelle. Tout à fait. Et est-ce que plus tu écris, plus tu as une facilité à écrire? En fait, une fois que tu as commencé à écrire tes 3 premières phrases, l'écriture, ça vient tellement vite et bien. Après, tu te dis, oh là là, j'aurais pas pensé que je trouverais aussi bien les mots. Ah oui, OK. Mais quand tu as envie d'écrire, mais tu bloques sur un seul, la première phrase. Oui, tu bloques toute la chanson. Tu bloques tout, ouais. parce que rien ne va. C'est vrai. Mais quand tu as fait les 3 premières phrases, ça part comme... ça coule comme de source. Voilà. Ça coule de source. Exactement. Il suffit d'avoir les 3 premières amorces. Exact. Puis ça coule tout seul. Ah oui. Ah oui, c'est de la magie. Voilà, c'est ça. Est-ce que ton écriture te surprend? Des fois, oui. Par moi-même, je me dis, oh, j'étais capable d'écrire ça. Ouais. Puis, en fait, qu'est-ce que tu veux raconter lorsque tu prends un crayon? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux témoigner dans tes chansons? Ce que j'ai envie de témoigner, c'est beaucoup de choses. Des fois, on a beaucoup d'idées dans la tête, mais des fois, tu te dis, parle aux gens, communiquer avec les gens, envoie un message. Et les chansons, il faut que ça parle. Il faut que c'est un message que tu envoies. Pour quand les gens, ils l'entendent, ils se disent, oh, ça me ressemble. Comme par exemple la dernière chanson qui dit, après toi, je ne pourrai plus aimer, je ne peux plus rêver, je ne saurais plus me donner, tu détiens l'âme de mes baisers. Et les gens, ils adorent ça parce que ça leur parle. Ils ont vécu un petit quelque chose qui n'a pas duré. Mais qui ressemblait exactement à ce qu'ils ont vécu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. En fait, c'est toucher l'âme des autres exactement. À travers la tienne. C'est ça. C'est cette interrelation-là que tu cherches. Et quand tu vois sur scène des yeux pétillés, tu te dis, ben, une mission accomplie. Voilà, une mission accomplie, exactement. Ouais, ouais. Parce que c'est pas toujours facile. Non, non, mais l'écriture n'a jamais été facile non plus. C'est quand ça. Quand ça communique bien, c'est pour ça aussi que les gens t'aiment. Hein? C'est ça. C'est ton côté touchant et ouais, c'est humaniste. Ça. Mais des fois, ça fait du bien que les gens ils écrivent aussi pour nous. Ouais. Parce que des fois, on n'a pas d'inspiration. Ouais. Et quand c'est des belles chansons, je prends. Je suis est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Souvent, c'est les mots qui amènent les idées. Ouais. Parce qu'il suffit que quelqu'un te parle, il y a un mot, tu dis attends, ce mot-là m'interpelle. Et puis, souvent, je fais semblant d'envoyer un SMS. Ouais. Mais je suis en train d'écrire. La suite. Exactement. Pour qu'à un moment donné, comme on disait, ça coule de source. Et que ça coule de source. Exactement. Ouais. Parce que le blocage, il n'y a rien de pire parce que tu sens qu'il y a quelque chose là-dedans, mais ça ne veut pas aboutir. Voilà. Il faut chercher après la profondeur de. En fait, c'est des serrures qu'il faut ouvrir. Oui, il faut les ouvrir. Ouais. Mais il faut trouver la clé. Hein? Oui, exactement. Mais souvent, c'est la clé du mystère. C'est la clé du mystère. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que la musique t'influence beaucoup plus dans l'écriture ou si c'est l'écriture qui influence ta musique? Non, c'est la musique. C'est la musique. Qui vient de chanter. Parce que, oui, parce que des fois, j'entends une musique. J'ai aucune idée dans ma tête. Mais j'entends un son, un rythme. Et bien, ça m'interpelle. Et tout de suite, je me dis, je commence à ajouter les paroles, les mots. Puis je dis, il aurait pu mettre ça. Eh ouais. Voilà. Ouais. Et en écrivant, est-ce que ça devient plus difficile d'écrire ou si, au contraire, ça devient comme instantané, comme... Des fois, c'est difficile, mais quand tu l'as déjà en toi, ça vient tellement naturellement. Mais comme je dis, des fois, je peux commencer à écrire. Ça peut me prendre 10 jours, comme ça peut me prendre 10 mois. Ah ouais, ouais. Finir une chanson. Ouais. Et tu l'abandonnes jamais, ta chanson? Non. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. La chanson, c'est... Elle a des racines, puis il faut que tu creuses plus profondément pour... Voilà, aller jusqu'en bas, hein, chercher les dernières petites racines qui est là. Et une fois que tu as ça, tu vois la fleur. Exactement. Voilà. Est-ce que tu travailles beaucoup aussi sur les métaphores, sur ce que les mots amènent les idées? Est-ce que tu joues beaucoup là-dessus? Amener une phrase à la beauté, un peu comme une fleur? Oui, parce que des fois, j'ai un mot, mais après, je dis que c'est trop simple. Il faut chercher à améliorer un petit peu de ce qu'on entend tous les jours. Ouais. La poésie, voilà. Ouais. Amener ta touche à toi. Que les gens puissent dire, oh, ce petit mot-là, j'adore. Ouais. Que de rester sur les mots qu'on entend tous les jours, on s'en lasse. Après, tu as l'impression qu'il n'y a pas de recherche. Non. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de. Voilà. Ouais. Mais à quel moment tu. Parce que là, lorsqu'on s'est rencontrés, tu étais plus ouf. Tu m'avais dit que tu avais eu beaucoup d'influence. Oui. Et après ça, ça s'est modifié. Est-ce que c'est dans tes écoutes. Écoutes-tu la radio ou si tu écoutes des disques? Je regarde beaucoup des émissions aussi, okay. Des émissions télé, et je me rends compte au fur et à mesure, et de plus en plus, et surtout quand tu commences à prendre de l'âge, tu te rends compte à quel point une chanson, une mélodie est tellement belle quand il y a des textes touchants qui touchent les personnes. Ouais. Et je peux le trouver dans le zouk aussi, parce que c'est des mots. Que ça soit, quel que soit le rythme de la musique, mais c'est les mots. Il faut la base. Ouais. Et quand il y a la base dans les mots, quelle que soit la musique que tu vas mettre, ça touche les gens, et bien ça marche. Mais la puissance est là dans les mots. Donc, Mais c'est dans les mots. Ouais. Il faut toucher les gens par les mots. Ouais. Et tu sens, lorsque tu prépares un album, parce que là, tu en as combien à ton actif là? 6 albums, 5 singles. OK. Est-ce que c'est difficile de trouver la première qui va ouvrir l'album ou est-ce qu'il y a beaucoup de discussions avec les gens qui t'entourent parce que tu t'entêtes à garder une certaine hiérarchie musicale, à certaines pièces, tu vois qu'elle correspond bien à l'autre chanson qui va suivre ou si tu te laisses influencer par les gens que tu connais et que tu aimes? Déjà, quand je fais un album, je ne fais pas trop écouter tout de suite. OK, t'attends. J'attends. Et moi, je l'écoute à plusieurs reprises. Je me pose la question, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça ne ressemble pas au précédent que j'avais fait? Et puis, j'écoute énormément. Et puis après, je préfère écouter mes filles parce qu'elles ont l'oreille. Elles me disent, oh, maman, ça, c'est super bien parce que ça ne ressemble pas aux autres. Ou bien, elles vont me dire, cette chanson-là ressemble à la première que tu avais fait. Moi, j'étais toi, j'aurais changé un petit peu. J'écoute, je prends conseil. Et puis après, j'ai une amie avec qui je peux discuter et puis je peux lui faire écouter. Mais longtemps après, elle me dit « Ah là là, Lily, ça, ça va marcher parce que c'est différent et tout. » Et c'est ça qui fait que ça permet d'évoluer et de grandir dans la musique et de faire différent. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas chanter tout le temps les mêmes styles, les mêmes mélodies, les mêmes... Il faut évoluer, il faut grandir, parce que la musique, ça grandit. Et nous aussi, on grandit, et alors c'est pareil. Mais est-ce que c'est toi qui choisis l'ordre des chansons, oui? Oui. OK. Tu décides tout? Pas du tout. Il y en a, quand je suis en studio, l'ingénieur, il va me dire, « Oh, moi, si j'étais toi, je mettrais en troisième. » Parce que après ça peut influencer, par exemple, pour le mois d'avril, c'est Pâques. Alors, choisis celle-là pour qu'elle sorte, ou bien choisis celle-là pour qu'elle sorte en décembre, parce qu'en décembre, c'est festif. Voilà. Ouais, ouais, okay. Voilà. Mais j'écoute, il faut écouter. Et tu fais confiance à ce qu'on dit. Oui, et puis souvent, ils ne se trompent jamais. OK, OK. Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ouais. Et puis... Est-ce que tu réécoutes tes anciens disques, ou une fois que c'est fait, tu passes à autre chose? J'avais écouté peut-être quelques jours d'affilée. Et après, j'oublie. Mais c'est quand j'entends dans les radios. Ah ouais. Après, je dis, ah là là, ce morceau-là, je disais que ça. Et des fois, c'est ça. OK. Ouais. Mais j'écoute pas tout le temps mes chansons, non. Et es-tu du genre à faire un album, après ça, faire des spectacles, un album, un spectacle, ou comme c'est plus difficile aujourd'hui, faire des concerts, tu en disques plus que tu fais de concerts? Est-ce que c'est plus difficile? Quand tu fais un album, est-ce que tu le présentes en spectacle après? Oui. Oui? Oui. Quand je fais un album, j'ai toujours un spectacle qui arrive parce qu'il faut présenter aux gens. Oui, c'est ça. Il faut présenter pour qu'ils puissent prendre goût de ce que tu as fait. Ouais. Et regarder la réaction des gens, voir comment ils se comportent par rapport à l'album précédent. L'interprétation, oui. Ouais. Voilà. Et surtout l'album précédent que tu avais fait. Est-ce qu'il est meilleur? Est-ce que... Et puis pour que les gens écoutent comment tu chantes cette chanson-là, et à la fin, quand tout le monde se lève et puis les gens te disent bravo, bravo, et puis tu les vends, c'est que du bonheur, du bonheur. Mais est-ce que ces chansons-là ont vécu sur scène avant de se trouver en studio, ou si tu les as fait avant tout dans un studio et ensuite tu les as présentées au public? Je fais dans le studio avant. OK, OK. Jamais non. Vérifié, OK. Jamais avant. Okay. Je fais studio, terminé. Après, je commence à préparer pour faire le show. Et après, voilà. Mais je mets toujours album à venir. Okay. Restez connectés. Ah ouais, c'est voilà. Ça, okay. je peux pas refaire le monde, hein. Non, non. Mais bon, ouais. C'est pas grave. J'ai 10 questions, OK? Si tu étais un liquide. Liquide? Oui. Sirop de fraise. Oui. C'est vrai que l'été, quand tu fais chaud, c'est bon. Très bon. C'est vrai. Si tu étais une ville. Los Angeles. Est-ce que tu as déjà visité? Oui. Puis à plusieurs reprises? Oui. Alors, tu te sens à l'aise? Ah, j'adore. Oui. J'aimerais vivre là-bas. Ah oui? Alors, ouais. il suffit de trouver peut-être un endroit pour se poser. J'adore. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Le boulevard avec toutes les étoiles. OK, oh ah oui, God, oh, j'adore. Oui. Ah oui, ça fait très, très star, oui, j'aimerais bien, parce que quand j'étais... Il y avait une étoile, c'était marqué Lawrence. Ah oui, OK, là, t'as, like t'as vibré. My... Ah oui, là, yes. t'as vibré. Si tu étais une langue? Une langue? Si j'étais une langue, une langue de vache. OK, mais une langue parlée? Ah, une langue parlée? Chinois. Est-ce que tu le parles? Non, j'aurais aimé. OK. Mais c'est assez compliqué d'apprendre le chinois. Oui, c'est ouais. Justement. OK, OK. Parce que je parle déjà presque toutes les langues, sauf chinois. OK. Tu parles l'arabe, tu parles... Je comprends, parce que j'ai beaucoup d'amis. OK. Mais je parle couramment l'anglais, l'espagnol, le français, ah, oui. Le créole. Ah oui, le créole, ben oui, ben ouais, oui, ben oui. Ouais. Si tu étais une époque... Je serais revenue des années 80. Ben oui, pour ton, pour l'album que tu as fait. Voilà, puis, exactement. Et surtout... la manière où on vivait aussi. C'était plus facile. Voilà, hein? Exact. C'était beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Ouais, ouais. Les meilleures époques. C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais un mot. L'amour. Oui. C'est vrai, c'est ce qui manque aussi un peu. Ouais. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment. Les pâtes. Oui. Ça coûte pas cher et c'est très nutritif, hein? Ça coûte vraiment pas cher. Ouais, c'est équilibre, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais une saison... L'automne. Ah oui? Parce que c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une saison. L'automne. Ouais. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent d'automne et c'est toujours... Ouais. C'est toujours poétique. Il y a plein qui vont dire le printemps, ouais. Mais moi j'aime l'automne. Ah, c'est bien. Mm. Mm. Au Québec, c'est beau parce que les feuilles rougissent. Oh là là, voilà. Ouais, quand j'étais là-bas. Ah, à quel endroit tu as été? À Montréal? J'étais à Montréal. OK. Et j'ai chanté, je ne m'appelle plus, dans un hôtel avec un chanteur haïtien. Oh là là, c'était le... Ah oui? That was my best concert. À Montréal, c'est quelque chose. Ah, c'était magnifique. Ah oui. Et le monsieur qui nous a fait venir, il voulait me faire revenir. Mais après, il était âgé, après, okay. Il est tombé malade, après, ses enfants ne voulaient plus qu'il fasse ça. Oh. Ah, mais. C'est une belle expérience. En fait, quand il m'a fait venir, il ne pensait pas que j'allais exploser comme ça. Et il m'a fait faire la première partie d'un grand chanteur haïtien. Mais j'ai volé la vedette. Okay. Et l'haïtien, il a dit : pourquoi vous l'avez fait venir ? Il a dit : mais elle n'est pas connue ici. Il a dit, elle n'est pas connue, mais maintenant elle est connue. L'haïtien, il n'était pas content du tout. OK. Mais ouais. Moi, j'étais pour rien. Ah, oui, oui, oui. Ben, j'ai toi, fait tu un fait... show. C'est ça, exactement. Et tu étais plus lumineuse que celui qui était dans la première partie. Ah, j'ai fait un super show. Ouais. Ah, mais ouais. C'est bien. Alors, c'est des beaux souvenirs. Ah, oui, grave. En quelle année? Il y a 10 ans. OK. Oui, il y a 10 ans. Ah, il n'y a pas si longtemps. Non. Hey. C'était magnifique. Si tu étais un membre corporel. Un membre? Membre du corps? Oui. Un bras? Oui. Pour serrer les mains, pour écrire. Tendre pour... la main. Oui, oui, c'est ça. Comme tu viens de faire. Tendre la main. Si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée, shopping? Excusez-moi. OK. Excusez-moi, yes. Ici. Ah, une pochette. Ah, un top sous. Pardon? Something for you? Merci, merci. Oh, OK, thank you. Thank you, girl. Thanks a lot. Merci. A shopping? Shopping. OK. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la ouais, journée? Oui, c'est shopping. Shopping. OK. Ouais. Ensuite, non, je voulais juste voir c'était quoi, un petit peu de curiosité. Ah oui, OK, c'est mes micros. Ben, oui. OK. Ben, oui. Si tu étais un autre individu. J'aurais aimé être Céline Dion. Ah oui? Oui. Aujourd'hui. Non, mais même. Okay. Elle reviendra. Ouais. Ça, c'est. Mais la voix, la personnalité, l'être humain. Ouais. C'est une femme avec un grand cœur. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Et puis une bête de scène. Mm-hmm. Ah, ok, c'est vrai. D'accord. Ah ouais, oui. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Qui? Toi, à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Est-ce que tu changerais des choses ou... Ouais, parce qu'on a chacun notre personnalité. Mais une voix comme elle, il n'y en a pas 50. Non. Non, mais toi, pour ta vie, pour ta carrière, aurais-tu fait le même chemin? Pas le même chemin. OK. Non. OK. Parce que chaque chemin, chaque destin, chaque chemin est tracé. C'est vrai. Mais j'aurais fait à peu près, mais pas vraiment la même heure. OK. Et des projets, t'en as plein la tête? Oui, j'en ai plein, mais il faut trouver les personnes. Il faut trouver, voilà, c'est ça. C'est pas facile. Moi, mon rêve, c'est de... Je sais qu'il y a un moment, j'arrêterai. J'arrêterai parce que c'est plus comme avant. Mais j'arrêterai pas définitivement. Je changerai peut-être de style de musique. Je ferai peut-être plus de jazz, de blues. OK. Voilà. Tu reviendras à tes racines. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être beaucoup d'acoustique. OK. Guitare, ouais. Voix. Ouais, c'est moins compliqué. Piano, voix. Ouais. Un peu style Aretha Franklin. Ah oui. Un peu style... comment elle s'appelle? Celle qui est morte, là. La dame, la black, là, qui avait dit... Nina Simone. Exact. Ah oui, Nina Simone. Oh, non, je kiffe. Ah ouais, ça c'est, oui. Mais ça, c'est, ah bah oui. Ça c'est un personnage exceptionnel. Oh my God. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Juste sa voix, ça. Ah ouais, ouais. Oh my God. Les frissons. Ouais. Ouais. Puis en plus, c'est tellement authentique. Ouais. C'est des tripes. Oui, puis ouais. Je m'appelle, j'avais vu la vidéo quand quelqu'un l'a dit, taisez-vous, écoutez-moi. Ça m'a marqué, ça. Ouais. C'est vrai que c'est important d'écouter. Ouais. Tu vas voir quelqu'un, soit... Mais oui, soit respectueux, ouais. Soit écoute, et c'est puis ça. Tu parleras après. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est l'authenticité aussi de cette femme. Oui, Nina Simone. Elle, j'ai pleuré quand elle est morte. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça a été quand même une étoile brillante. Ah bah oui, ouais. Ah bah oui. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de projets? Oui, j'ai beaucoup de projets. Par contre, pour les... Vous désirez autre chose? Non, merci. Non, ça va, merci. Pour les voyages, parce que je suis en train de m'organiser pour faire les voyages. OK. Et puis, ce que j'ai envie, c'est de connaître les radios dans d'autres, par exemple, chez toi, pour que les radios puissent commencer à jouer mes sons et tout. Peut-être un jour, il y aura un organisateur qui pourrait m'appeler, dire voilà, on a aimé ta musique. Voilà, j'espère, je croise les doigts. On tend des perches. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Ben, oui. Et puis, j'avais rencontré des Canadiens. Ouais. Ils étaient de Québec. OK. Je les ai rencontrés dans les Caraïbes. Elle m'avait donné la carte parce qu'elle avait le gendre de sa... le genre de sa meilleure amie qui travaillait dans une... Mais après, on a fait tellement la brague et tout, la carte, je ne me rappelais même plus où c'était. Et je l'ai perdue. C'était peut-être un Ouais, mais on a tellement fait la fête et tout. Moi, j'avais juste mon téléphone et tout. OK. Et puis, j'ai dû le poser et oublier quand je suis partie. Puis, elle ne t'a pas rappelé? Moi, elle n'avait pas mes contacts. Ah, OK. Elle n'avait pas mes contacts, mais elle avait cette carte dans son portefeuille. Okay. Elle me l'a donnée. Ah. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Quand c'est pour toi... Ça reviendra. On ne sait jamais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bien, écoute, merci d'être passé. Non, c'est avec plaisir. C'est toujours extraordinaire. Ouais. Il y a toujours de l'émotion, beaucoup de sensibilité. En fait, c'est tout ce que tu fais depuis des années qui ressurgit constamment. Ben oui, il y a toujours de l'amour dans le cœur pour aller de l'avant. C'est vrai, c'est vrai. The show must go on. Exactement. Et le spectacle continue. Oui, exactement. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est important. C'est vrai. Ben merci. Ben oui, c'est moi. À la voyeur. Salut. Go!